Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et c'est Bulle de Rêve, l'émission consacrée au cinéma d'animation. Vous venez d'entendre Emir Kusturica et The No Smoking Orchestra. Et on retrouve Florence Dupont, directrice du festival Pelin Bobine. Et on va parler de cinéma tchèque, enfin essentiellement de cinéma d'animation tchèque, puisque à 95% sont des films d'animation, à part Katia et le crocodile, qui n'est pas un film d'animation. Et Marianne. Et Marianne, effectivement, que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a deux programmes de courts-métrages avec plein de merveilles, plus plusieurs longs-métrages, Sinbad de Karel Zeman, qui en fait à l'origine était une série, mais de très grande qualité, qu'on a transformé en long-métrage, on va dire. Les aventures fantastiques du même Zeman et Le prince Bayaya de Jerzy Trinka. Donc plein de merveilles. Pourquoi l'idée d'avoir fait ces programmes d'animation tchèque, enfin c'est programme tchèque on va dire, allez. Alors pour commencer en fait le festival a démarré en 2003 et c'était le moment où les 10 nouveaux pays entraient dans l'Europe et j'ai voulu rendre hommage à ces pays, donc on a commencé par la Lettonie avec beaucoup d'animation aussi, on a fait venir les personnes du studio AB qui ont présenté leurs marionnettes, l'an dernier on a fait la Pologne, il y avait aussi pas mal d'animation à vrai dire, et puis donc cette année la République tchèque. Et bon, c'est beaucoup un choix personnel. Je trouve que l'animation tchèque, il y a un nombre de merveilles incroyables. D'ailleurs, c'est presque frustrant de ne pas avoir assez de programmes pour mettre plus de films. Mais bon, il faut savoir s'arrêter un moment. Et donc, on a voulu leur rendre hommage et passer plein de magnifiques films de Trinka, de Zeman, de Poyar. Oui, alors c'est l'occasion de découvrir pour beaucoup, hein, parce que c'est quand même des films qu'on voit assez peu. Très malheureusement, c'est des films qu'on voit assez peu. Pour les plus jeunes, c'est clair qu'ils en connaissent probablement très très peu, des vraies merveilles. Hein. Entre les films de. Qu'est-ce qu'on peut citer? Les films de Trinka, Le Lion et la Chanson, Le Chant de la Prairie, western en marionnette, les films de Bretislav Poyar, les petites taupes de Zdeněk Miller, La Ferme à la Fourmi d'Hermina Tirlova, enfin il y a plein de choses absolument magnifiques, beaucoup de films. En marionnette, puisque c'est un peu la marque de fabrique de l'animation tchèque, c'est vrai. Mais pas seulement, hein, les films de Miller, c'est des dessins animés. Et puis il y a même un film en figurine de verre soufflé, moi qui m'a toujours absolument fasciné, Inspiration de Karel Zeman. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ça avait été fait, cette animation de verre soufflé. Je suis sûr que Serge a des explications très très précises à nous donner là-dessus. Je ne me suis pas préparé à répondre à toutes les questions, mais celle-là, eh bien, comme en Bohème, la verrerie est une des spécialités de verre soufflé. Et ça, là, ce sont des artistes, vraiment, des artistes verriers qui soufflent des animaux. On souffle, c'est-à-dire qu'on souffle le verre, c'est une boule, et puis eux transforment ça en animaux, en tout ce qu'on veut, mais pas de la pacotille de prise unique. Pardon, non, là j'ai fait une faute, je voulais dire de bazar. Excusez-moi, c'est un autre niveau. C'est encore pire. Je ne critique pas l'art du chant de foire, mais je veux dire des choses de goût. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, vu le talent de ces verriers, eh bien, chaque position, chaque phase du personnage principal a été soufflée spécialement avec un petit peu, si vous voulez, il suffit alors, sous la caméra, de prendre les 24 positions du personnage et de photographier image par image chacune de ces figurines qui est déjà décomposée d'avance. Oui, mais c'est l'idée de... On pouvait faire la même chose en bois et il y avait un grand spécialiste hongrois qui s'appelle Pal et lui il procédait comme ça, c'est-à-dire qu'il avait le corps de la poupée, travaillait en poupée en bois, il avait un corps qui était fait une fois pour toutes, des jambes qui pouvaient s'ajouter au corps et alors suspendu au plafond il avait tous les mouvements du pied et des mains et des jambes qui étaient classés par ordre et chaque fois découpés dans du bois, chaque phase, comme si vous faites du dessin animé, vous avez toutes les phases, mais au lieu qu'elles soient sur le papier, elles sont découpées dans du bois et ici, c'est sous forme de verre que ça se fait. Alors l'animation est par remplacement, mais ce qui est magique, c'est quand le film défile, on a l'impression d'une virtuosité de l'animation absolument impossible. Donc on imagine le nombre de figurines qu'il a fallu pour faire ce film. 40 personnes avec une menuiserie et tout ça. Sur un film qui fait 12 minutes. C'est la verrerie. Là, ils ont passé un certain temps. Alors que je vous rappelle que dans un dans une animation de marionnettes traditionnelle, on bouge les marionnettes, même s'il peut arriver de superposer par exemple des visages pour des expressions, mais en général, on bouge les marionnettes. Elles sont, ce qui est déjà très long. Ce qui est déjà très long, mais là, effectivement, c'est encore pire. Oui, dans l'inspiration, il y a aussi des signes, et cela glisse, n'est-ce pas, sur un miroir ou une surface qui ressemble à de l'eau, n'est-ce pas, ça, on peut faire de diverses techniques. Je n'étais pas à côté pour voir comment ils font. Mais là, alors, c'est de l'animation glissée, n'est-ce pas, de signes glisse majestueusement, et je me souviens plus s'il y a un mouvement de tête ou pas, sans doute, oui, je me souviens plus de ça, mais enfin bon. Ça va être l'occasion de revoir le film. C'est l'occasion, oui, il faut aller à la Bourboule, à pied, à cheval. Ou en voiture. Et comment le jeune public réagit, le jeune ou d'ailleurs moins jeune public, réagit à des films comme ça qui sont un petit peu anciens? Parce que c'est vrai qu'il y a des films qui datent des années 40-50 pour les plus anciens, donc c'est... Ils réagissent bien. À vrai dire, on a eu de très bons retours l'année dernière, par exemple. Avec parmi les films polonais, il y avait des films d'animation qui dataient un peu. Et... Non, les enfants. Pas de problème. Moi, je crois que du moment que c'est des beaux films, les gens apprécient. Hein. Quel que soit l'âge du film. Je vais juste dire ceci. Je ne vais pas vous couper, pardon. Non, et d'ailleurs, l'an dernier et l'année d'avant, on a passé, bon, c'est pas de l'animation, mais des Charlie Chaplin, et ça a marché du feu de Dieu. Hein. Mais Charlot, c'est quand même... Oui, mais c'est du noir et blanc. Mais le personnage est tellement connu que c'est vrai que ça facilite les choses. C'est drôle, en plus. Je voulais dire combien j'étais épaté de voir à Paris, n'est-ce pas, c'est public tout de même, un petit peu, c'est la grande ville, n'est-ce pas, c'est pas comme en province, mais comme les enfants, à toutes ces séances où on passait du Émile Cole, des vieux Starévitch muets de 1920, mais accompagnés par un orchestre, je veux bien, mais des films d'Émile Cole qui datent de 1909-10, n'est-ce pas, et qui sont vraiment, ce sont des vieux films, ce ne sont pas des films mal faits, mais on voit qu'ils sont très vieux, ils ont, qu'est-ce que vous voulez, ils sont presque centenaires, à quelques années près, eh bien, les gosses n'ont jamais fait de différence et ont applaudi à tout rompre, et sincèrement. Oui, et ça, j'ai vu fait. À plusieurs séances, parce que je n'aurais pas cru, j'aurais eu le même doute que toi maintenant, au moment même. Mais je crois qu'en fait, les adultes ont plus de réticence et ont plus peur que les enfants. Les enseignants, parfois, ils se disent « Oh là là, c'est un film en noir et blanc, les enfants, ils vont trouver ça vieux, ils vont trouver ça ancien, et en fait... Et si c'est toujours pareil, ça leur montre de belles choses. Oui. Ils apprécient et ils n'ont pas cette idée de « Ah oui, c'est un vieux film ». Ils n'ont pas d'a priori comme on peut avoir. Ils ne s'en aperçoivent pas. Ils ne disent pas que c'est un vieux film. Ils croient que c'est... Ils ne se posent pas la question. Et c'est bien. C'est très bien. Parce qu'on s'attend, nous, les trépines, vieux film de arrière-grand-papa. Oui, mais ça, ils ne se posent pas la question quand ils ont 3, 5, 6, 7 ans, mais ils la posent à 10 ou 12 ans quand même, davantage. Certainement, mais à vrai dire, ils peuvent aussi bien apprécier un Chaplin ou un... Une fois, moi je crois que la difficulté c'est de faire venir les gens dans la salle. Ouais. Une fois qu'ils sont dedans, du moment qu'on leur passe des beaux films, ils sont contents. Ouais. Mais effectivement, c'est plus difficile d'attirer des enfants de 12 ans que des enfants de 3 ans, c'est sûr. Alors avec toutes ces merveilles de l'animation que vous passez, dans quelques années, il va y avoir des tas de passionnés d'animation qui vont être dans le coin, dans la région. Il va falloir créer une école, enfin ça va être terrible. Super. Vous n'êtes pas con des conséquences. Oui, mais ce serait de très très très bonnes conséquences, donc on serait ravis que ça se passe comme ça. On a beaucoup de classes qui participent, qui viennent même de... Là, il y a deux classes de maternelle d'Argenteuil qui vont venir spécialement au festival. Il y a plusieurs classes en résidence, et des classes qui sont déjà venues des années précédentes et qui reviennent. Donc, ils font tout un travail sur le cinéma. Il y a des enseignants qui sont vraiment super et qui font beaucoup de travail autour du cinéma. Et donc, on espère bien passionner quelques enfants qui, plus tard, pourront faire eux-mêmes du cinéma. Et puis aussi le fait d'avoir des spectateurs pour ce genre. Depuis qu'il y a des films de long métrage, ça facilitera les choses. Parce que nous n'avions pas vraiment un public pour cela, à part le nom de Walt Disney qui a attiré les foules, bien entendu. Et qui continue. Et oui, c'est à juste titre, d'ailleurs, il y a de quoi. Rien que pour la façon dont... Oui, je ne veux pas parler comme si j'étais invité, moi. Mais pour faire cette remarque, c'est-à-dire que nous aurons des gens qui se déplaceront pour voir les dessins animés parce qu'ils se souviennent de, qu'ils ont vu des films inoubliables et donc ils n'auront pas ces préjugés qu'ont nos adultes à nous qui ont vu à la télévision des choses qui ne les ont pas convaincus et pour cause dans des diverses séries qu'on a faites. On les connaît, c'est du travail qui n'est pas très artistique parce que, évidemment... C'est pas possible dans ces conditions, peut-être, je sais pas. Mais alors, quand on dit dessin animé chez des adultes, ce n'est pas acquis, nous ne sommes pas reconnus, d'où ces émissions aussi. On espère toujours qu'il y a des gens qui écoutent, et puis tiens, ils parlent de ça, et il faudra une fois que j'aille voir ce film. Et puis, ils sont convaincus. Il faut le faire, il faut dire au public qu'il y a autre chose que ce qu'on voit à la télévision tous les jours. Et si on commence très jeune, eh bien, ça reste. C'est pour la vie. Mais je l'espère. Moi, j'aimerais bien voir la tête des spectateurs qui vont découvrir Prince Bayaya de Trinca, qui est quand même une merveille extraordinaire. Alors, Trinca, il faisait des marionnettes en bois qui sont magnifiques en soi. Les histoires sont magnifiques, mais surtout, il y a un art de la mise en scène qui fait qu'on sent l'émotion dans ces marionnettes qui sont pourtant... C'est pas de la pâte à modeler, on peut pas les bouger, ces marionnettes, elles sont figées, et néanmoins, on est touché par les personnages et tout ça, et c'est magnifique. C'est un exemple de bon goût. Tout colle, la lumière est travaillée, tout est travaillé, comme par l'œil d'un peintre. Et de plus, mais nous ne sommes pas là non plus pour critiquer maintenant, même en louange des films pareil, mais je voudrais tout de même souligner que même la musique ici, il n'y a pas une note qui, même dans les, puisqu'on s'adresse à l'émotion, et bien justement, la musique peut tout casser pour quelqu'un qui comprend quelque chose de la musique, naturellement, encore une fois. Mais donc, c'est là qu'on peut entrer voir un tel film en tant qu'adulte, comme en tant qu'enfant. C'est émouvant, mais c'est sincère, de bout en bout, et ça reste artistique de A à Z. Si ce film passait dans une salle de quartier, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y aurait plus de 3 personnes. Il y aurait Olivier, bien entendu, il y aurait devine qui, et puis vous, sans doute, si vous étiez de passage à Paris, mettons qu'il pleuve juste au moment où vous passez devant la salle, et puis c'est marqué Prince Bayaga. Je peux le revoir 10 fois, 20 fois, et puis c'est formidable. Et qui connaît Trinca? Eh bien, vous tous qui nous écoutez, vous connaissez Trinca. Ah oui, mais comment ça s'orthographie? T-R-I? Non, T-R-N-K-A. Trinca. Ça fait Trinca, Trocca, comme vous voulez. Voilà. Alors, ça passe à la bourre. N'oubliez pas. Alors, si vous avez l'occasion de voir Prince Bayaya, alors je vous le recommande. Et si vous êtes artiste, vous ne pouvez pas ignorer Prince Bayaya. On ne peut pas ne pas y aller, c'est pas possible. Non. Il y aura des tas d'autres choses formidables dans ce festival. Un après-midi de clôture avec Paul Driessen, enfin les films de Paul Driessen en tout cas, qui décidément a une forte actualité cette année en France, parce qu'il sera présent au festival d'Annecy, il sera présent au festival Éveiller les regards à Aubervilliers, et ce sera l'invité d'honneur de la prochaine fête du cinéma d'animation. Et c'est lui qui a fait l'affiche de la fête, donc à cette occasion il va se promener un petit peu dans toute la France, et c'est très bien qu'on ait l'idée de montrer les courts-métrages de Paul Driessen à un public, à un jeune public, parce que vraiment l'exemple d'un cinéaste qui fait des films d'animation qui n'est sont absolument pas destinés aux enfants, mais finalement on se dit que ça peut peut-être coller finalement. Alors c'est une expérience, c'est vrai que c'est oui, mais c'est vrai que c'est des films qui ont il y a un imaginaire dans ces films qui est incroyable. C'est l'imaginaire qui emporte probablement le public enfant. Et qui s'adresse autant effectivement à des adultes qu'à des enfants. Enfin, c'est vraiment universel. Et pour les graphistes, naturellement, c'est un style souvent minimaliste parce qu'ils travaillent, l'artiste travaille seul. Et alors on croit que parce que c'est minimaliste, ça s'est fait très rapidement et que le type ne sait pas dessiner, franchement. Mon gosse en ferait autant, etc. Ce qu'on entend souvent. Au contraire, évidemment tous ceux qui ont quelques connaissances dans ce domaine graphique et puis de l'art en général savent combien il est difficile justement avec cette technique d'être convaincant. Eh bien, Driessen depuis des années et des années fait ses films internationalement, l'un en Hollande, l'autre au Canada, et enseigne en Allemagne, l'a formé des étudiants, et personnalité agréable, qui habite en France d'ailleurs maintenant. Et puis, en partie, c'est, oui. Oui, et puis sont vraiment ce qu'on appelle des films d'auteur, en ce sens qu'ils sont faits par une personnalité, on peut dire aussi, de toutes les phases, n'est-ce pas? Il suffit de voir 20 secondes d'un film de Paul Driessen, et on reconnaît que c'est du Paul Driessen, on ne peut pas se tromper, je crois. Et pourtant, ils sont tous différents. Ouais, tout à fait. Et puis, j'ai noté l'exposition Les animaux du jardin des plantes. On avait reçu, donc c'est un projet de long métrage d'animation qui avait été exposé à l'AFCA. On avait reçu le, on espère, futur réalisateur, le porteur du projet ici à cette émission. Je ne sais pas très bien où ça en est, mais je sais qu'il avait eu un certain nombre de contacts. Je ne sais pas si vous en savez. Il avance sur le projet. Donc, on va montrer l'exposition qui était à l'AFCA. Il y a quelques mois. Oui, il y a même un an presque. Ah oui, tant que ça. Ouais. Et puis, il va aussi montrer un animatique du film avec, qui a un peu avancé depuis, depuis l'exposition de l'AFCA, avec quelques voix et puis de la musique aussi. Et en fait, l'idée, c'est de montrer cette animatique à des enfants et ensuite d'avoir une discussion entre Philippe Ferrin, donc le porteur du projet, et puis les enfants pour qu'ils sachent un peu ce qu'ils en pensent. Je pense que ce sera très enrichissant pour les deux, aussi bien pour les enfants que pour le réalisateur. On peut peut-être préciser ce que c'est qu'un animatique. Donc il s'agit en fait d'une phase de préparation du film où on fait se succéder des dessins fixes. Il n'y a pas encore d'animation du tout, mais ça donne une idée de ce que va être le film. Et voilà Annabelle qui arrive. Bonjour Annabelle. Bonjour. Bonjour. Installe-toi. Et puis quoi encore? L'idée de cette animatique et de Disney, ça s'appelait à l'époque Laika, la caméra Laika, n'est-ce pas? Laika Real. Et dès Blanche-Neige, ça a été fait pour se rendre compte exactement de la durée de tout le film. Alors il suffisait de calculer la durée, celle-là est fixée d'avance, du long métrage, j'entends. Et puis au bon moment, puisqu'on a la musique déjà, l'avance qui est composée, il y a les dessins qui accompagnent encore fixes, qui viennent juste au moment où il faut. Alors ça donne un plan du film et on peut visualiser pour voir ce que ça donne sur l'écran, qui peut avoir une idée. C'est formidable. Et ça a été fait secrètement, comme ça, cela, car personne n'en a parlé. Seulement dans les années 60-70. Ah oui, Disney, il nous a pas montré les Lacarines. Ah, mais ça, vous devriez voir, etc. Puis voilà. Maintenant, c'est partout, on fait ça. Pour montrer aux financiers, voilà, comment sera le film. Encore deux, trois petites choses. C'est vrai qu'il y a des rencontres avec des professionnels aussi. C'est un peu l'idée. Philippe Ferrin, on vient de l'évoquer. Voilà. Et puis, les membres du jury aussi vont rencontrer. Tout à fait. Les classes jury qui sont là sont parrainées par des professionnels. Il y a aussi une classe documentaire, une classe 13 qui sont également parrainées par des professionnels. Et puis tous les professionnels présents, en fait, sont mobilisés, entre guillemets, et on leur demande de rencontrer des classes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir que tous les enfants qui viennent puissent discuter avec des professionnels et parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils n'ont pas encore vu, du cinéma, de comment ça se fait. C'est toute l'idée du festival. Très bien, merci beaucoup Florence Dupont. Donc on rappelle les dates. Alors, c'est du 14 au 19 juin. Voilà. Et vous avez toutes les informations sur pleinlabobine.com. Alors ça devrait être en ligne en fin de semaine prochaine, ne vous impatientez pas. Et sinon, je peux vous donner un numéro de téléphone, le 04 73 65 51 46, pour avoir des infos sur le festival. Voilà, avec une très jolie affiche. Toujours la même personne qui fait l'affiche. Oui, c'est une illustratrice de livres pour enfants qui s'appelle Fabienne Cinquin. Et qui habite Clermont-Ferrand, qu'on aime beaucoup. Et donc, elle nous fait l'affiche chaque année. Très bien. Merci, Florence.